Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Avec un peu de musique. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchi en compagnie de... Étienne Théberge. Salut Frédéric. Salut Étienne. David Lambert. Salut Frédéric. Salut David. Et Mathieu Bouillon. Et oui, on enregistre dans la station Host. Oui. Bar mythique sur la rue Ontario. Ouais. Quel endroit. Un bel endroit quand même. Tout à fait. Ça coin Plessis, je crois. Qui se veut un peu... chalet, un peu. Oui, c'est très rustique. C'est très bois. C'est beau. Le mot de passe pour le Wi-Fi, c'est Hooligan avec un H majuscule. Oh. Ce qui est bien, c'est que ça chasse encore un peu plus les pauvres dans l'Est. Oui, ça, c'est ça qu'on veut. Alors, on vous souhaite la bienvenue à Pas de problème. Qu'est-ce que c'est Pas de problème? C'est une balado-diffusion où quatre experts en rien s'improvisent experts en tout. Le temps de trouver des solutions à votre problème et le temps de vous divertir et de changer le monde. Oh. Rien de moins. Fred, moi, je tiens à dire quelque chose d'amusant. Ça fait 4 ans qu'on fait le podcast. Bientôt, je pense que c'est notre cinquième année. Souvent, je me suis ramassé seul de concepteur publicitaire avec 3 comédiens. Oh, et là, ce soir, les rapports sont inversés. C'est vrai. 3 concepteurs de pub et 1 comédien. Donc, enfin, des solutions constructives. Oui. Mais si je me fie au concepteur publicitaire qu'on avait toutes ces années-là, ça va chier. Ça va chier, solide. Oui. En fait, tous les conseils ne dureront pas plus de 30 secondes. Oui. Moi, les miens m'ont duré 15 secondes, mais ça, c'est moi. Je fais des nouveaux. Tellement punchy. Ouais. Moi, je suis punchy. Certaines conditions s'appliqueront et il faudra trouver des détails en magasin. Mais tous les conseils seront 0 $. 0 $. Parfait. Ben, tant que je peux jouer dans toutes vos solutions, d'ailleurs, le problème de cette semaine nous vient d'un autre podcasteur, Dominique Garand de Froblontal. Lobe Frontal. Oui, docteur. Docteur Garand. Oh, docteur. Oh, ouais, docteur. On ne sait pas si c'est célibataire hein, pour les femmes qui nous écoutent. Wow. Je ne sais pas. Il faudrait demander. Docteur Garand. Il faudrait lui aussi, écouter son podcast. Ouais. Il doit le dire à chaque semaine. Ouais. Il doit le dire à chaque fois. Alors, comme moi, je ne me donne pas célibataire. Non, c'est ça. C'est ça. Moi non plus. C'est ça. Moi, je suis vieux garçon. Moi, c'est pas clair. It's complicated. It's complicated. Alors, cette semaine, le problème nous vient de Dominique Garand. Et puis, c'est pas mal fini, mais on va l'assumer quand même. Ouais. C'est comment se défiler du Ice Bucket Challenge. Merci, pas de problème. Et voilà, c'était ça. On n'a pas le choix d'en parler quand même. Ah ouais. Parce qu'il va en avoir d'autres. Oui, il y a eu le Smart Domination. Les trends fatigants, on n'est pas au bout de nos peines. Non. Il y a d'autres gens comme nous qui font ça dans la vie, chercher des mardes à faire faire au monde. Ça, c'est vrai. Il y a eu Allô, ou le restaurant ou Allô, quelque chose du genre. Allô ou au restaurant. Puis c'est français. Ça consistait à... Tu nommais quelqu'un. Puis dans les 48 heures, il devait se pitcher Allô ou t'amener au restaurant. Ah, Allô ou au restaurant. Ouais, c'est ça. C'est pas pire. Moi, j'ai vu passer cette semaine, c'était le Golden Shower Challenge. Oui. Où une actrice porno se fait uriner dessus dans un bain. C'est spécial. Et je nomme ma mère! Barack Obama. Oui. Mais en même temps, je trouvais ça quasiment rassurant qu'il y ait comme des trends vraiment chambouches qui parlent de ça parce que. On était tannés, mais tu sais, on est tannés, mais... Moi, le dernier que j'ai vu, c'est une fille qui se faisait chier dessus par... qui se faisait lancer du purin de porc dessus, puis après ça, un Ice Bucket Challenge pour laver. C'est ça sur Internet ou dans ton quartier? Non, sur Internet. Le Pig Shit Bucket Challenge? Je sais pas. Mais clairement, ça va trop loin. Ça va chier. Faut trouver une façon de s'en débarrasser. Mais avant de trouver une solution de comment s'en défiler, je pense que pour ceux qui vont faire les prochains trends, là, peut-être vous, messieurs, faudrait trouver un petit système d'autodestruction quand on sent que ça a fait le tour. Là, ça aurait peut-être pu atteindre un montant X. Ouais. Ou continuer à donner, mais... Mais je pense pas que les gens qui ont parti le Ice Bucket Challenge ouais. s'attendaient à ce que ça soit ça. Ils se sont dit, on devrait mettre ouais, une limite. Je pense ouais. qu'en fait, tant que ça vit, fine ouais. pour nous autres. En fait, je sais même pas s'ils ramassent de l'argent tant que ça ou si c'est juste une quantité de filles en bikini qui font. Ouais. Moi, j'étais à Boston en vélo, puis je me suis arrêté parce qu'il y avait des infirmières qui le faisaient dans la rue. Oh! Tu sais, les... Nice. Des infirmières sexy? Non, pas... Des madames? Pas trop. Mais je vais peut-être le mettre sur le site. Okay. Tu sais, à l'époque, on savait qu'un trend est défini quand Christiane Charette en parlait. Oui, oui, c'est vrai. Hein, comme les hipsters. Les emo, ouais. les hipsters. Ben, ça doit être encore vrai, probablement que cette semaine, elle va parler de ça. Oui. À moins que ce soit nous, déjà les parlé. Nouveaux Christiane Charette. C'est peut-être ça. Ouais. Non, mais nous, on en est conscients. Là. On n'en parle pas comme « c'est quoi ça? » ouais. Parenthèse, hein, t'sais, on parle souvent des Simpsons dans cette émission-là. Je voyais un épisode des Simpsons traduit en français hier sur lequel il riait du phénomène hipster. Ah, je l'ai vu, mon petit. Oui. La ville, là, oui. Lisa Capote. Puis là, tu vois, c'est les gars de Portland. J'ai juste pogné la fin. C'est la gang de Portland, je pense, qui sont dedans. Oui, le Portland Girl. Et en français, ils appelaient le mot cool. T'sais. Moi aussi, je veux être cool, Mark. T'sais, comme ça montre que c'est des gens de 45 ans. Ouais, ouais. Comme... Ah, t'sais, ils auraient pu dire le mot hipster. Là, ouais, ouais, ouais. Terrible. Enfin, retournons à nos moutons. Ouais. Donc, comment se défiler? Ben, la première façon de faire, c'est juste respecter le challenge, puis c'est donner à la cause, puis pas faire le box. C'est, ça, c'est ça le concept. Ouais. Fait que si tu veux pas le faire, tu fais juste donner à la cause. Ben, donne moi, j'ai une fait pièce, ça. Donne une pièce, puis. Ben, j'ai donné un peu plus que ça. Donne 10 pièces. Donne 100 pièces. 1000. Donne 10 000 pièces. C'est ça. C'est ma belle-sœur qui m'a challengé. Puis, tu sais, un peu après. Que tout le monde l'ait fait. C'est parce que je sais pas pour vous, mais pour ma part, si je fais ça, on dirait qu'il faut que je fasse quelque chose de plus. Ouais, il y a comme un statement en plus. Ouais. Ça a tellement duré longtemps que là, faut pas juste le faire. Faut que tu le fasses de manière le fun. Puis là, Manny, il y avait comme une ligne qui avait été franchie. Tu fais ben là. Des fois dans la vie, là, comment dire, ça donne un moment où t'as pas le temps, tu sais, comme de penser à comment repousser la patente. T'sais, ça aurait été il y a deux mois, là t'aurais été plus dans le. T'sais, ouais. t'sais. Après, t'sais, ils ont toutes les défaites. Là. En hélicoptère, le gars qui se fait dropper une citerne d'avion et qui reste mort ou qui est mort. Il y en a qui est mort. Oui, il y a une personne qui est morte. Ça peut clairement. Vous avez vu tout le film, la compilation de film aussi. Il doit y avoir des commotions cérébrales là-dedans. Ouais. Celui qui se fait verser par une pelle mécanique, j'ai pas la pelle, elle tombe sur la tête. Tu décèdes, non? Mais il est pas mort, mais il a pas été super top shape. Ça a dû faire mal un peu. Ben, vous avez vu aussi le scandale, t'sais, un jeune adolescent autiste qui s'est fait percer de l'urine et des botches de cigarettes et des crottes. Je ris, là, mais c'est pas drôle, là. Puis ça a fait le tour des États-Unis. Là, c'était les méchants kids de son école ont fait croire que c'était le Ice Bucket. Et là, Drew Carey s'en est mêlé. Pas Drew Carey. Drew Carey. Ça en mêle, ça va régler les choses. Tu veux dire Bob Barker 2? Bob Barker 2 s'en est mêlé. Non, mais pour vrai. C'est le Drew Carey mince ou le Drew Carey dodu? C'est le mince. Je pense que c'est Drew Carey vieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais j'ai vu ça cette semaine, il y a quelqu'un qui disait qu'il se transformait en monsieur du film Up. Wow! C'est vrai, tranquillement, ça en vient. Fait que des solutions? Ouais! Comment on se défile? Ben, ça, mettons, l'affaire de l'enfant autiste peut amener une fin là, à ça. Là. Fait faire ça un enfant autiste, là, pis quelque chose de méchant qui inclut l'urine. Non, mais c'est comme dans la rue quand on se fait arrêter pour Médecins sans frontières ou Greenpeace. Ouais. Moi, je dis désolé, je donne à une autre cause. Ouais. Tu sais, tu peux pas tout endosser les causes dans la vie. Ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'en choisis une, puis tu stick with it, puis tu donnes. C'est quoi ta cause, toi, David? Ben, Greenpeace. C'est pas beaucoup chaque mois, mais tu sais, ça me donne un peu. Ou c'est Amnesty International. C'est correct. Moi, j'ai opté pour l'environnement parce que je me dis, sans un environnement sain, mais tu sais, toutes les autres causes tombent aussi. Hein. Ouais. Moi, je donne une chaîne, non. Oui. C'est pas vrai, ça. Non. Mais il y a Patrick Stewart qui a quand même Captain Picard, Professeur X, qui, sans parole, dans sa chambre d'hôtel, sort un seau de glace, se sert un drink, met deux glaces dedans. Ah, il signe un chèque en premier. puis après, ils servent un drink avec la glace qui est dans la banquette pour faire tasser. Ouais. Ben, c'est... j'aime mieux ça. Il y en a un aussi qui a fait un bucket plein de cash. C'est plus versé, ça, ça a tapé. C'est de l'autre. Puis il a donné de la glace. 10 000 piastres à la cause. Je donne de la glace à la cause. Yeah. Je me verse de l'argent. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a rien compris. C'est cruel. Mais Sinon, il y aurait peut-être de faire semblant qu'on va pas sur Facebook pendant un bout, puis qu'on l'a pas vu. Puis attendre que le trend meurt. Ouais. Mais il y a un problème aussi du fait que c'est. Ben, c'est sûr que c'est une manque que ça pogne, mais de nommer trois personnes à chaque fois, ça. Ça s'élargit vite. C'est exponentiel. Ben, c'est un peu ça le concept d'un. C'est comme une chaîne de lettres. Ouais, de... Je pense, je soupçonne aussi que ça a marché beaucoup du fait que les enfants voulaient le faire. Non, c'est-tu, c'était comme un prétexte. C'est comme l'Halloween puis les filles qui se déguisent en filles sexy. Oui. C'est la même affaire. Là, c'était un prétexte pour être en maillot de bain. Ouais. Sur YouTube. Sur Facebook, parce qu'il y a plein, ça passe, tu n'as pas tant que ça, mais là, faut que tu sois mouillé. Hey, le nombre de filles en bikini qui essaient de l'eau mouillée puis qui fait, tu sais, tu peux pas chialer parce qu'ils donnent à une cause. Comme son épaule. Ouais, des gars flexés aussi. Mais hein, c'est comme devenu un mané, un truc de douchebag. Ouais, moi, j'ai vu comme beaucoup de monde avec leurs enfants le faire. Ouais. Il donnait-tu de l'argent? Hey, moi, c'est ça qui se passe là-dedans. Moi, en fait, toutes ces... Ben là, je vais avoir l'air d'un gars dégueulasse, mais... T'es dégueulasse. Moi, je suis dégueulasse, mais tous ces trucs-là de ramasser de l'argent pour des causes, je trouve que c'est pas... C'est pas à l'individu de faire ça. Je trouve que ça serait au gouvernement d'investir massivement dans des causes, de même la recherche du cancer. C'est comme... Haïti, là, quand il y avait le tremblement de terre. Ouais. Tu sais, à Mané, c'était même des GA, genre 1$ pour aider Haïti. Puis je fais, hey, c'est au gouvernement de donner des millions de dollars. Tu sais, quand Avatar a coûté plus cher que tout ce qu'on va donner, mettons, comme aide humanitaire, tu sais, il y a un hostie de problème. On est là à nous culpabiliser sur des hosties. C'est vrai, moi, ça me gosse. Le Téléthon à chaque année, fois 8, là aussi. Oui. C'est comme de Patricia Ponquin qui braille. Il y en a encore maintenant. De ça, le Téléthon. Un ou deux. Il y en a moins. Il y en a. Je pense que j'ai pas les postes. Ouais. Je vais souvent voir les tunes de nuit. Oui. Oui, parce que c'est là que ça se passe. C'est là les bons bouts. C'est là que ça chie. Les lip-syncs de Alain Dumas, des choses comme ça. Mais là, les gars, je vous ramène au excusez-moi. Comment on se défile? Mettons, là, c'était pour la maladie ALS. Oui. Ouais. Tu sais, mettons, tu guéris la maladie. Là. Mettons, c'est on vrai. Se met ça, à quatre. C'est une très bonne solution. On essaie vraiment là, de trouver ta guérison. Là. Mais mettons, on se met à quatre, mais pas nous quatre. Ouais, c'est ça. Mettons, du monde important. Là. Mais tiens, je sais pas. Moi, je pense que je pourrais peut-être faire quelque chose. OK, mais David et trois autres. Ouais. moi, dis-moi, ALS, ça veut dire quoi, là? Puis après ça, on va chercher, tu sais. Alicia Silverstone! Eh boy! Clueless! Clueless! C'est vrai qu'elle donne froid dans le dos. C'est ça, ALS, c'est gay. Non, mais il y a. ALS, c'est en anglais, non? Ouais, ça, c'est. Non, c'est pas la sclérose latérale. C'est Lou Gehrig's disease, hein? OK. La maladie de Lou Reed. Lou Gehrig. De Lou Béga, c'est la maladie de Lou Béga. Ouais. Toutes les fonds s'en vont à Lou Béga. On lui souhaite vraiment de s'en sortir. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the gun. Il y en a plus de bonne musique comme ça. Hey, mais ça, c'est peut-être une façon de se défiler. Par contre, quelqu'un me domine, je fais une. Tu poses quelque chose qui a pas le vent, et tu poses à nous, les gars. Là, ils ont enlevé officiellement les Rick Roll de YouTube. Là. C'est quoi les Rick Roll? À l'époque, il y avait. Je sais pas en quelle année, mais Poisson d'Avril et YouTube. On va juste écouter la musique de ce nom. Voilà. À une époque, au Poisson d'Avril, sur YouTube, quand tu cliquais sur un lien, t'avais Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Ça s'appelait Rick Roll. Puis il y en avait encore aujourd'hui, puis ça, on le faisait en. Tu sais, il y a du monde qui se le faisait encore faire, puis ils les ont enlevé complètement de YouTube, mais. Ça pourrait revenir grâce au Ice Bucket Challenge. Hey, regardez mon Ice Bucket Challenge. Puis là, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. C'était long pour rien? Ouais, j'ai même pas tout compris, je pense. Le Rickroll, c'est ouais. Mettre comme une fausse nomenclature à ton vidéo. Ah non, c'est bon, j'entends ce que vous me dites. C'est comme, regarde cette fille, elle perd son top. Ouais. Never gonna give you up. Oui, c'est plus cette fille par son top, mais regardez sa réaction, elle, ça va vous étonner. Oui. En fait, ils ont tout changé. C'est comme cette twist ces temps-ci de ça. C'est dégueulasse. Je sais. Les 18 filles qui perdent mieux leur top ever. Le top perd son top. C'est drôle. Sinon, moi, j'ai une autre solution, c'est de dévier la cause vers une autre cause. OK. Mettons, plutôt que de faire le Ice Bucket Challenge, tu peux te verser sur la tête de l'huile bouillante et donner au grand brûlé. Mettons. Oh, donc, te donner à toi-même. Tu gardes mais ton argent. Mais il y a quand même, comment il s'appelle, Leonardo DiCaprio qui a challengé Harper, mais... sur les sables bitumineux, puis... Ah ouais, j'aime ça, c'est ouais, cool. Il y a comme... Ouais. Est-ce qu'on a des solutions sur Twitter, frère? Je vais aller voir. Parce que de mon côté, moi, j'ai regardé sur le Twitter secret, et Phil Pedo nous a envoyé une solution. Quoi? Là, j'ai de la misère à la lire. Pouvez-vous m'aider, les gars? Qu'est-ce qui est écrit, donc? Quelle est la solution de Phil Pedo? Je sais pas. Je lis, OK, c'est écrit... lancer de la glace sèche sur les enfants. Ah! C'est pas digne de Phil Pedo. C'est pas bien bon, hein? Hey, Phil, franchement, là. Pourrait se forcer, Phil Pedo, pour Là, on a Marc-André Fortin qui dit le faire l'hiver, ça devient le Hot Bucket Challenge. Et Jonathan Renko, tu sais? Faire le chef et se filmer like a boss. Donc, voilà. Ah, mais Phil Pedo vient d'écrire autre oui. chose. Qu'est-ce qu'il a écrit? Moi, j'aime beaucoup le Ice Bucket Challenge, car l'eau glacée transforme tous les pénis en tout petits pénis. Ah! C'est Phil Pedo. Sacré film. Incorrigible. En tout petit pénis. On lui souhaite la bienvenue sur notre groupe. La bienvenue, Phil Pedo. Qui que tu sois. Qui que, oui, hein, on ne sait pas qui est Phil Pedo. C'est Phil. Je vous jure que c'est pas moi. Hein. Oui, oui. Alors, des solutions, mais c'est pas... Mais pour la prochaine chose qui va sortir aussi, pour le prochain trend. Ben, ne pas la partager et ne pas nominer, ne pas partager. J'ai une idée pour vrai. Dire aux femmes d'âge mûr de notre entourage, hey, ça, là, ça c'est des attrapes pour avoir le nip de ta visa. C'est bon. Ça, là, c'est des attrapes pour avoir le nip de ta visa. Fait que toutes les madames. C'est du phishing. Ouais, le partageront pas. Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment bon, ça. C'est, pour ça, c'est bon. Ça parce que eux autres, les tannantes. Sinon, il y aurait peut-être partir un trend contraire à celui du Ice Bucket Challenge, du futur Ice Bucket Challenge. OK, oui. Genre, je sais pas, là, quelque chose qui serait l'inverse de... Tu trouves la cause, la maladie qui va comme à l'encontre de ça, puis tu essaies de raiser la... Pour... C'est pas les contraires de la sclérose en plaque, là. Ou t'injectes le virus, tu sais, en question. Dans des gens pour chaque Ice Bucket Challenge. Oh, c'est bon ça. Mais tu dis que tu l'as aussi vu de la fille qui avait fait à croire qu'elle avait le cancer, elle avait ramassé de l'argent. Ah ouais. Cancer du sein, oui, dans ce cas. Elle s'était rasé les cheveux. Ouais. Terrible. C'est ça que ça me rappelle la fille qui avait fait à croire à son chum qu'elle était enceinte et qu'elle ramassait des dons. Non, mais ça, c'est bon. Genre, pour chaque Ice Bucket Challenge, dans cette seringue, j'ai la bactérie Ebola. Je la donne à quelqu'un. Ça va tout arrêter. Oui, c'est sûr que ça marche. Ça va t'arrêter, même oui. toi. Oui, c'est ça. En faire une chanson. OK. Voilà. C'était ma solution. Non, mais c'est une chanson d'artiste. Si 60 artistes se réunissent pour avoir une chanson, je pense que ça peut arrêter la chaîne. Ouais. Mais tu sais quoi, pas aidons le Lou Gehrig's disease, là, la recherche, mais plus arrêtons le Ice Bucket Challenge. Tout le monde le fait, ta soeur et toi. C'est assez, c'est glacé. On n'en peut plus. Mais Mathieu, j'espère voir ça vraiment bientôt sur les réseaux sociaux. Oui, oui, la chanson. Ouais. Mais moi, j'ai été nommé après que, la moitié de mes amis avaient pas collé ça sur Facebook. Là, ouais. Ça va faire, c'est bien beau la cause. Moi, je suis pas allé jusque-là, par contre. Parce que là, j'étais comme, oh non, là, tout le monde va chialer. Ouais. C'est pire, je trouve. Non, chialer sur le Ice Bucket Challenge. Ouais. Moi, c'est comme, est-ce assez les statuts sur la météo? Ouais. Mais moi, tout juste après, il y a un Italien qui m'a défié. Un Italien? Pour l'impro ball. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, il se filme. Et envoie des claps à trois personnes. Puis là, il me défiait de le faire à d'autres. Et là, j'ai vu des Français le faire. Oui, mais je l'ai pas fait. Je me suis juste pris en photo. C'est déjà très gentil. Je me suis pris en photo, puis je l'ai mis comme en train de clapper, puis je l'ai mis suite à sa vidéo parce que je fait. C'est trop gentil déjà. Ben, tu sais, c'est comme. Je l'ai vu, merci, bye! Ouais. Oh mon Dieu, moi c'est genre l'affaire qui me passe. Si on me demande de faire quelque chose, je peux pas. Mais j'ai fait, pour l'Ice Bucket, j'ai pris une photo de genre la fondation qui me dit merci pour votre don. C'est parfait, ça. Vraiment, sincèrement. Mais peut-être quelqu'un devrait créer le site. Quelqu'un pourrait se faire de l'argent avec ça pour faire. On produit vos Ice Bucket Challenge. Maison de prod. Faites juste nous fournir une face. On l'intègre en 3D. C'est comme les lutins de Noël. Oh, tu dansais, mais c'est le Ice Bucket Challenge. C'est malade. Ouais, c'est ça. Je nomine David. On va voir IBC, le long film. Sinon, il y aurait peut-être de prendre la vidéo de quelqu'un d'autre et juste cropper la face. Ah! Et dire, non, j'ai déjà été nominé. Fait que tu peux pas me nominer encore. C'est bon, ça. Ouais. Tu sais, une petite face fixe sur un corps qui bouge, là. Non, mais tu l'enlèves, tu sais, tu réduis la taille du vidéo. Fait que c'est juste le corps qui bouge. Ah oui, ok, oui. Sinon, là, je sais pas si c'est le même pour vous, mais moi, mes messages Facebook, je reçois aussi dans mon hotmail. Tu viens que répondre par hotmail en faisant « Je n'ai pas Facebook. Ah, » Malheureusement, oui. Je ne pourrai pas partager. Non. Tu sais, tu utilises un autre média social plus plat. Ouais. En fait, tu n'as pas un média social. Ouais. Mais, oui, tu sais, puis les victimes que ça a fait, tu sais, les gens autour des personnes qui sont mortes, l'enfant autiste, tu sais, eux se mettent ensemble, puis ils font genre... L'Ice Bucket Challenge a détruit nos vies. Ben, c'est l'anti-Ice Bucket Challenge. L'anti-Ice Bucket. Un galop. Ouais. Il va sûrement avoir un mouvement qui va suivre pour ramasser des fonds pour les commotions cérébrales. Ouais. Peut-être. Ouais, puis pour changer ta poubelle verte aussi que tu as cassé en deux. L'Ice Bat. Tu casses un bat de glace dans le dos. C'est assez! C'est classé! C'est classé! C'est classé! Oh. Ah oui, mais c'est classé! C'est classé! C'est assez! Je l'ai pas mis sur Facebook, mais bref! Affaire glacée! Non, mais tu sais, ça part un peu. Ils ont peut-être pas inventé ça, là, mais le Pay It Forward, là, le film. Ouais. Avec Alexandre Gadieux, non, c'est... Mais ça, il n'y avait pas de nomination là-dedans. Non. C'était juste tu le fais, puis l'autre est obligé d'être dedans, mais tu le fais pour quelqu'un, puis la personne doit le faire pour trois autres. Mais il n'y avait pas de genre... faut que tu donnes de l'argent, sinon... Tu vas juste appeler les vaudous, tu vas mourir. C'est quoi ça? Ah, ça n'avait pas été nominé pour ça. Ça va être le voodoo challenge. Ouais, mais tu sais, tu réponds avec un Harlem Shake. Ah! Tu sais, ah, je nomine. Avec un. Comment ça s'appelle? Un lip dub. Ou tu fais exprès de faire un vidéo qui chie. Tu sais, tu as le début, puis la manée, ça. Mais ça chie VHS. Ça chie VHS. Ben, je sais pas si j'ai le stock pour me filmer. Je nomine trois personnes d'avoir ça chie. Je suis allé chez Hélène Lozo pour faire transférer. Tu dis non. Tu viens faire une vidéo où tu fais, dis mettons, je sais pas, là, genre Juliane qui nomine. Tu viens faire une vidéo où tu fais non, Juliane. Non. Non. C'est juste ça. Non, Juliane. Où tu vas chez la personne, Juliane en question, et tu y verses un seau d'eau sur la tête de ta fille. Oui. En faisant les fingers. Oui. Ou tu. tu mets la vidéo de Lady Gaga qui l'a faite, le toi après tu fais Chris, Lady Gaga l'a faite. Ouais, c'est fini là. Fini. Ouais. Ou Christiane Charette. Tu fais belle Christiane Charette l'a fait. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. À moins que ça soit le Christiane Charette Challenge. Moi je pense que c'est le Christiane Charette Challenge. Ben c'est se fourrer dans les noms des gens à qui tu parles constamment. Oui. Ah oui. Tout le temps. Frédéric Barbouchi. Barbouchi. Mais en faisant. Excuse-moi! En tout cas, c'est alors, t'as vu la je dis Lambert! Mais c'est Lambert, hein? C'est ça! Elle pose la question pour moi. J'étais pas là les premières années, mais on la détestait tellement. Moi, je suis pas un hater. Non. Haters will hate. Haters will hate. And... Oh, la guitte est partie. Yes. Donc, c'est le temps du blitz. Ouais, puis on vous rappelle qu'on est dans quel bar? Le Station Hope. Le Station Hope sur Ontario. Oui. Venez nous rejoindre. Oui. Parce que depuis que la Station Host, il n'y a plus juste des hoses. Mais bros before host. Ouais. Oh! Ouais. Venez nous rejoindre, manger une pépérette. Ouais. Avec des gros pots pleins. Wow! Un dernier tour de table? Ben, c'est pas moi qui va commencer. Moi, je dirais devenir ermite. Et couper les contacts avec le monde. Le faire dans un autre médium. Utiliser un autre. Je l'ai fait en papier. Regarde, ça, c'est un dessin de moi. Le faire à d'autres gens qui ne le savent pas. Fait que tu lances de la glace dans la face à du monde. Ça, au moins, on rirait. D'un balcon, genre. Ouais, d'un balcon. Tu lances dans l'eau. Comme des ballons d'eau, mais de la glace. Ouais. Alors, moi, j'opte pour le déni. C'est souvent une solution efficace, le déni. Ouais. On le déni jusqu'à ce que ça arrive. Où tu mets ton bout préféré d'un des films de Jackass. Ah, ouais. Et tu dis. Et voilà! Ou c'est moi. Tu mouilles ton chandail dans le dos avec de l'eau tiède, là, quelque chose qui fait pas chier. Puis là, tu verses le bucket juste un peu en arrière de toi. Puis là, tu te verses, tu te tournes en faisant comme. Ouais, c'est pas mal. Ah, ben ça, simuler de la glace, là, c'est facile, pareil. Ben, on peut mettre de la glace en plastique. L'eau tiède. Ouais. Le bon montage, là, sinon, là, que tu mets de la glace dans un bucket, là, coupe, là, tu te verses la tête, puis c'est juste l'eau tiède, tranquille. Ben, moi, là, je vais me donner. Je vais enregistrer la chanson de 6 secondes, c'est assez, c'est glacé, à faire classer. Fait que les gens pourront envoyer ça s'ils se font nominer. C'est bon. Parfait. C'est ma solution préférée, ouais, Mathieu. Ouais. La chanson à Mathieu. Ouais. La chanson qui arrête. J'aimais beaucoup ma solution, je dois dire, de dire voilà. À ma tante que c'est une crosse pour avoir un virus. Ouais, ouais, ouais. Moi, je préférais vraiment ta solution avec le virus d'Ebola dans une soirée. Oui. Ebola. Ebola. Ebola. Ce bar-là où on est Ebola. Ah! Ebola. Voilà, donc si vous avez des solutions hein, ou des problèmes, écrivez-nous sur Facebook, Twitter ou pasdeproblème@gmail.com. Vous pouvez le faire. Envoyez-nous audio aussi. On en a des audios. On en a reçu aujourd'hui encore des problèmes. Je suis très content. Ça va bien. Oui. Et ne manquez pas notre 250e. Ça s'en vient bientôt. Hein? Dans une vingtaine. Là. Oui, ça va être fun. Oui. Ça va être fou. Ça va être fou. Réservez. Des ballons. Ouais. Réservez vos places. En espérant que ce ne soit pas comme la 200e, c'est-à-dire qu'elle se perde dans la blogosphère. Non, celle-là, on va la mettre dans la voûte. Oui. De Walt Disney. Ça se peut qu'on fasse ça chez SOS Labyrinthe. Il n'y a rien encore de clair. Dans un pédalo. Oui, c'est ça. On attend encore des réponses de la ville. Ouais. Donnez-nous 5 ou rien. 5 ou rien. Sur iTunes. On veut 5 ou rien. Voilà. N'oubliez pas de visiter l'insta.com pour le t-shirt ou nous faire un don. Évidemment, ce qu'on fait avec les dons, on rembourse ce qu'on a déjà payé. Oui. Et le mot de la fin, Étienne. flouche. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Yeah!